boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. À se changer en roi. Attraque la fortune de sa vitre et son poids. Au risque de ses pleurs, au moment de ses croix. Sa déconde, fait d'aller l'exitoire. Il faudrait qu'on se lève au fond et la glace. Ou alors qu'on peut le laisser comme un mien. Encore et encore, comme un c'est la somme et même un peu mieux. À la faveur d'une éclipse, on voit du jour au lendemain. Que ça ne s'invente pas instantanément. Comme ça reprend le volet d'aussi loin. Comme un mien. Encore et encore. Comme un mien. Choisis par main, c'est pour eux, comme une flèche, comme un pied. C'est bon pour la mémoire, ça vous fait quoi d'être au milieu, camarade? C'est les jeux forts, on sent le mascarade. On pourra toujours se marrer tout le long du courant d'air. On voit des amoureux qui savent encore changer leur mère. On a bouté délicieux, on en aura des saisons. On est un millier de blêmes, je peux encore garder ton nom. Je peux signer que je l'aime. Encore et encore, comme un mien. Encore et encore, comme un mien. Encore et encore, comme un mien. Encore et encore. We'll be right back. Bon ben, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas fait une session iTunes, alors je vous rappelle le principe, même si Noir Désir, avec le morceau qu'on vient d'écouter, comme elle vient, résume bien le concept. Je lance iTunes sur mon ordi et je laisse les titres défiler pour programmer notre pop and rock. Grand écart au rendez-vous de Noir Désir à Agnès Obel, c'est pas moi qui choisis. Allez, on enchaîne avec notre père à tous, le seul dieu que je vénère, Gérard Manset, comme un Lego. D'un grand terrain, de nulle part, avec de belles poignées d'argent, la lunette d'un microscope, tous ces petits êtres qui courent, car chacun vaque son destin. Comme durant les siècles égyptiens, péniblement, porté mille fois son poids sur lui, dans la chaleur et dans le vent. Dans la nuit, voyez-vous ces êtres vivants? Voyez-vous ces êtres vivants? Voyez-vous ces êtres vivants? Captivant, les maisons, les lacs, les continents, comme un Lego avec du vent. La faiblesse des tout-puissants, comme un Lego avec du sang. Force décuplée en des perdants, comme un Lego avec des dents, comme un Lego avec des mains, comme un Lego. Voyez-vous tous ces humains danser ensemble à se donner la main, s'embrasser dans le noir à cheveux blonds, à ne pas voir demain comme ils seront. Capitales sont toutes les mêmes devenues, facettes d'un même miroir, vêtues d'acier, vêtues de noir, comme un Lego mais sans mémoire. Comme un Lego, mais sans mémoire. Comme un Lego. vêtu d'acier, vêtu de noir. Comme un Lego, descend des bras. Comme un Lego, sans mémoire. Réponds-tu jamais de ta retraite sous ton arbre? Depuis ce manguier de plus de 10 000 pages, de balancer seul dans une cage. Si haut, comme un insecte sur le dos, comme un insecte mais sur le dos, comme un insecte de nulle part. À la lunette d'un microscope, on regarde, on regarde, on regarde dedans. On voit de toutes petites choses qui luisent. Ce sont des gens dans des chemises. Comme durant les siècles de la longue nuit, dans le silence et dans le bruit. Le silence dans le bruit, dans le silence. Comme un Lego, morceau repris il y a quelque temps aussi par un défunt rocker à la Machung. Mais on enchaîne avec le premier grand écart, puisqu'on va repartir aux États-Unis avec le groupe de Michael Stipe. Le groupe c'est R.E.M., le morceau c'est Radio Song. Collapsing around our ears, I turned up the radio, but I can't hear it. When I got to the house and I called you out, I could tell that you had been crying, crying. It's that same, same song. That same, same song. The DJ sucks. Makes me sad. I tried to turn it off. Turn it off. To say goodbye, my love. That radio song. Hey, hey, hey. The world is collapsing. tried to sing along. Damn that radio song. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Everything to show. Listen to the radio. I turned up the radio. I can't hear it. Now I can't hear it. Hey, hey. Après le R.E.M. de Michael Stipe, que vous connaissiez peut-être pas, je crois que c'est un des vieils albums de R.E.M., on va partir sur un autre gars que j'adore, David Eugene Edwards. Le mec a plusieurs vies avec différents groupes comme notamment 16 Horsepower, mais ce soir c'est un morceau de Woven Hand, le groupe qu'il fait vivre actuellement, que je vous propose de continuer notre soirée. We'll be right back. Alors là, les gars, les filles, si le grand écart n'est pas énorme, ouvrez bien vos esgourdes, car ce morceau que je vous offre a été repris, remixé, mais jamais égalé. On se lance avec la belle, la douce, l'inimitable Suzanne Vega, qui en 87 nous offrait Tom's Dinner. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train. Oh, Allez, on reste dans la douceur. Après donc le Tom's Dinner de Suzette Veilla, on vient de se faire One Man in Chains des Tears for Fears. Ça, c'est devait être dans les années 80, la fin des années 80, début des années 90. Et on enchaîne toujours dans la douceur avec un des gars qui a des multiples talents, qui, pareil, dans les années 90, écrivait des albums, chantait, produisait d'autres artistes. Il s'appelle Bill Pritchard et le morceau qu'on écoute, c'est Invisible State. C'est peut-être pas le morceau que j'aurais choisi sur l'album, mais on est en session iTunes. Like the snow is gonna fall, and I'm still waiting at the station. Hey brother, have you got the time to share a cup of radiation? Looks like the dog is on the move, telling the little doggies what to do. Hey sister, have you heard the news? Gonna be a better place for me and you. Bye. Avec le morceau On The Verge, et là on prend vraiment un très grand écart, et pas seulement chronologique, également musical, puisqu'on fonce sur une reprise de Springsteen faite par Frankie Goes to Hollywood. Le morceau s'appelle War. Is the world for one who makes use of this discovery. Beauty must have power over man. After the end of the war, I want to devote myself to my thoughts for 5 to 10 years and to writing them down. Wars come and go. What remains are only the values of culture. Then, of course, there is revolutionary love. Love of comrades fighting for the people, and love of people. Not an abstract people, but people one meets and works with. When Che Guevara talked of love being at the center of revolutionary endeavor, he meant both. For people like Che or George Jackson or Malcolm X, love was the prime mover of their struggle, and love cost them their lives. Love, coupled with a man's pride. Love, coupled with a man's pride. Émission en podcast, vous allez vite sur la page Facebook de Pop and Rock. Allez, on continue avec Téléphone. Now Des gossips en enjambe le plus grand fleuve musical du monde pour retrouver la danoise Agnès Obel pour un magnifique instrumental Sons and Daughter. À part dans les sessions iTunes où trouver ces deux artistes enchaînés et pourtant si libres, ouvrons nos oreilles pour la douceur, la mélancolie, les harmonies de Agnès Obel. Thank you. avant de clore cette nouvelle édition des sessions iTunes, on va terminer avec un petit groupe français qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui. Le groupe s'appelle Citron, le morceau c'est With My Shoes. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. I'm telling you.